quel toi, toi. J'entends la guitare, ça me... J'ai trouvé des paroles. Le batteur, il a lâché les baguettes. Thank you. avec lui pendant des années. sorti le hip-hop très classe. We'll be right back. Charlie. 160 km sur la Terre. We'll be right back.